Bonjour Tiffaine, très bon après-midi à vous. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le succès immense qu'a connu en son temps Joseph Kessel tient sans doute au plaisir que l'on prend à la lecture de livres à la fois émouvants et informés, comme dans son roman L'équipage, où les relations entre les personnages ainsi que l'histoire d'amour centrale tiennent en haleine les lecteurs, dans le même temps qu'il montre la vie d'un escadron d'aviateurs durant la Première Guerre mondiale à la façon d'un reportage. C'est justement parce qu'il est à la fois écrivain et journaliste que Kessel parvient à mêler dans une même œuvre ses différents niveaux de lecture, sa vie d'aventurier et d'artiste. Nous en avons parlé lundi, c'était avec Gilles Heuret au cours d'une émission à retrouver en téléchargement. Mais l'actualité des publications concernant Kessel, c'est surtout la sortie des deux volumes de Pléiade qui lui sont consacrés. Nous avons reçu mardi Serge Linkès, qui en est le maître d'œuvre et qui a défini pour nous la littérature de l'auteur de Belles de Jour. Des Belles de Jour, il y en a peut-être eu quelques-unes dans la vie de Kessel, mais il y a eu également des femmes qu'il a aimées durablement. Germaine Sablon était l'une d'entre elles et Dominique Missica a consacré un livre à leur amour. Elle l'a publié en mai dernier aux éditions du Seuil. Elle était hier avec nous pour en parler, dans le même temps qu'elle est revenue sur les 6 volumes de reportages de Kessel qu'elle a publié cette fois en tant que directrice éditoriale des éditions Taillandier. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler notamment du livre Le Tour du Malheur, mais également du rapport de Kessel à la religion, nous sommes en compagnie d'Olivier Weber, auteur de Kessel, le Noban éternel, aux éditions de Poche J'ai lu, ainsi que du Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel aux éditions Plomb. Également romancier, il publie cette semaine L'Arrière-Pays aux éditions Calman Levy et annonce un récit en novembre intitulé Si je t'oublie, Kurdistan, cette fois aux éditions de l'Aube. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres. Sur le seuil de cette savane, un seul arbre s'élevait. Il n'était pas très haut, mais de son tronc noueux et trapu partaient, comme les rayons d'une roue, de longues, fortes et denses branches qui formaient un parasol géant. Dans son ombre, la tête tournée de mon côté, un lion était couché sur le flanc. Un lion dans toute la force terrible de l'espèce et dans sa robe superbe. Le flot de sa crinière se répandait sur le mufle allongé contre le sol. Et entre les pattes de devant, énormes, qui jouaient à sortir et à rentrer leurs griffes, je vis Patricia. Son dos était serré contre le poitrail du grand fauve. Son cou se trouvait à portée de la gueule entrouverte. Une de ses mains fourrageait dans la monstrueuse toison. Le lion leva la tête et gronda. Une voix dépourvue de vibrations, de timbres, de tonalités, m'ordonna « pas de mouvement, pas de crainte, attendez ». D'une main, Patricia tira violemment sur la crinière. De l'autre, elle se mit à gratter le mufle du fauve entre les yeux. Et en même temps, elle lui disait, en chantonnant un peu, « Reste tranquille, King. Tu vas rester tranquille. C'est un nouvel ami. Un ami, King. » Un extrait du roman Le Lion, lu par Guillaume Gallienne. Bonjour Olivier Weber. Bonjour. Alors, le mot qui vient spontanément à l'écoute de Joseph Kessel et peut-être de cette lecture en particulier, c'est le mot, vous allez me dire si vous êtes d'accord, d'enchantement. Oui, je crois que c'est le bon mot parce qu'il y a de l'enchantement, il y a du réenchantement du monde. dans toute sa beauté, dans toutes ses laideurs, ses horreurs, et Kessel les a vécues, parce qu'il était donc, vous l'aviez dit, avec les émissions précédentes, reporter de guerre, mais aussi aviateur pendant les deux guerres mondiales, et puis il a connu des drames intérieurs, des drames sentimentaux, des drames de famille, donc pour lui, il fallait prendre le réel pour le réenchanter. Le réenchanter comment ? D'abord en allant le voir, pour rencontrer les gens, pour découvrir les paysages, mais aussi pour... écrire de manière romanesque, donc en tant que romancier, donc s'emparer du réel et en faire une fiction, un imaginaire, pour permettre justement d'expliquer le réel. C'est peut-être un peu compliqué, mais c'est toute la beauté, cette alchimie littéraire entre le journalisme, qui peut être un genre littéraire à part en soi, et puis bien sûr la littérature romanesque, etc. Donc ce sont deux genres, mais il y a des passerelles, on l'a vu avec les écrivains américains, avec bien sûr Tom Wolfe, et puis même Truman Capote, et Kessel a porté haut ces couleurs donc du journalisme littéraire, et puis de la littérature, du reportage. Alors vous, Olivier Weber, qui êtes également un romancier et un journaliste, vous allez peut-être pouvoir nous dire si pour réenchanter le monde, j'imagine que c'est aussi votre objectif un peu en tant que romancier, est-ce qu'il faut que le réel soit un peu exagéré aussi ? Est-ce que c'est ça, le réenchantement du réel, c'est de le décaler par rapport à quelque chose qui pourrait être considéré comme étant un peu trop plat, qui est le réel ? Oui, je dirais que c'est plus une interprétation subjective, parce qu'évidemment, nous sommes tous, même en tant que reporters, journalistes, des sujets, donc on parle aussi avec nos tripes, on peut utiliser le jeu ou non, mais bien sûr, c'est notre psyché, c'est notre inconscient, c'est notre conscience, ce sont nos valeurs qui s'expriment, et il y a des moments où le réel est tellement difficile, il peut être aussi pessimiste, qu'on a envie de le réenchanter justement, et de se porter vers l'espérance, et je dirais que dans la littérature, ce mot... transcende énormément de courants, d'auteurs, et c'est le cas de Kessel aussi, c'est qu'il y a un côté espérant, il y a un côté, ce que les romantiques allemands appellent des Sehnsucht, l'espérance du lendemain ou la nostalgie du lendemain, c'est grosso modo une sorte de mélancolie qu'on porte en soi, qui peut être exacerbée ou extrapolée au travers des guerres, au travers des horreurs qu'on voit, mais pas simplement. Et là, tout d'un coup, on se dit, d'abord, pour le sortir de soi, pour l'expurger, il faut peut-être un peu plus qu'un reportage de 2 ou 3 pages. À l'époque de Kessel, c'était souvent des reportages de l'équivalent de 100 à 150 feuillets, parce que ça s'échelonnait sur plusieurs parutions d'un journal comme France Soir ou Paris Soir, ou Le Matin à l'époque, ou comme Albert Londres aussi le faisait. Mais le roman, justement, permet d'aller plus loin. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que... l'aventure de Kessel, c'est davantage une aventure intérieure qu'une aventure du baroud, d'une aventure avec un grand A. Et c'est là où il y a, pour moi, une sorte de malentendu avec différents auteurs et qui se ressemblent, qui se sont inspirés les uns les autres. Ce sont Joseph Conrad, Jack London et Joseph Kessel. Conrad était lui aussi donc un écrivain slave, on va dire, ou d'origine slave, qui a écrit dans une autre langue que sa langue maternelle, l'anglais. Il a tordu le polonais avec la syntaxe qu'elle avait à l'origine. Et Kessel, qui lui a écrit dans sa langue pas tout à fait maternelle, qu'est le français, parce qu'il parlait d'abord russe lorsqu'il est né, donc dans cette famille juive russe qui, lui, a vu le jour en Argentine, mais se sont installés très vite sur les bords de l'Oural. Et d'ailleurs, il disait, de part et d'autre de l'Oural, il y avait d'un côté l'Asie, de l'autre côté, il y avait l'Europe, et avant même d'avoir vu des voitures, j'ai vu des caravanes de chameaux qui venaient de Bactriane, donc de l'Afghanistan d'aujourd'hui. Et donc, oui, il y a ce côté réenchantement, et je dirais pas que le réel est plat, le réel quelquefois est masqué, le réel quelquefois est travesti, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme l'histoire. L'histoire n'est pas faite que de chiffres, il y a une interprétation par l'historien de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a extrapolé, de son expérience d'historien, mais aussi d'homme. Et Kessel a senti cela très vite, il s'est senti à l'étroit dans le journalisme, alors que c'est un métier extraordinaire, vous ne direz pas le contraire, je crois pas Mathieu, c'est très très beau, et Kessel disait c'est un des plus beaux métiers du monde, donc un beau métier, mais ça ne suffit pas à remplir ce que je veux dire. Et donc voilà d'où cette symbiose entre la littérature et le reportage. Alors le réenchantement, pour vous, il a commencé assez tôt quand vous avez découvert Kessel, en même temps que Conrad et Jack London que vous citiez. Vous expliquez dans la préface de votre dictionnaire amoureux à Joseph Kessel que vous avez eu vos nuits éclairées au sens propre, c'est-à-dire à la lampe de poche dans le dortoir. Pour lire, finalement, caché des autres, à l'écart aussi du temps, les livres de Kessel qui vous ont permis de vous évader. En fait, c'est un petit peu ça aussi, Kessel, c'est l'évasion. Et puis après, bon, vous êtes devenu grand reporter et vous avez fait le tour du monde comme lui l'avait fait. Est-ce que vous êtes aujourd'hui encore enchanté de la même manière quand vous lisez du Kessel ? Oui, parce que d'abord, le style n'a pas vieilli, même s'il est daté. En tout cas, le rapport au jeu donc à l'auteur et aux autres est extrêmement fort. Il y a bien sûr de l'autocentration, il raconte sa vie, mais il y a beaucoup d'empathie pour les autres, voire de compassion, et cet aller-retour est très intéressant. Et moi, ça m'a permis, donc à 8 ans, 10 ans, dans mes orphelinats, mes internats, etc., de m'évader au sens propre du terme, et je me suis dit, un jour j'irai au Yémen, un jour j'irai en Afghanistan, mais il y a un autre auteur qui m'en a parlé, qui est mort depuis, qui est un ami de Kessel, qui était son cinéaste d'ailleurs, c'est Schoendorfer. Schoendorfer m'a dit, en 42, j'étais adolescent, 14 ou 16 ans, j'ai lu Fortune Carrée, qui se passe au Yémen, et j'ai eu envie de partir. C'est comme ça qu'il a rencontré Kessel des années plus tard. Mais donc, ça vous propulse ce genre de roman, et en même temps, c'est la marque d'ailleurs des œuvres de génie, et ça vous impulse de l'autre côté. C'est-à-dire, vous avez envie de revenir vers vous, de revenir vers votre terre natale, parce que quand on est reporter au romancier ou écrivain de manière générale, on est là aussi pour raconter. Et d'ailleurs, le mot reporter vient de là, to report. On est là pour raconter ce qu'on a vécu. Et donc voilà, oui, ça m'a donné envie de partir. Je suis parti au Yémen, je suis parti en Afrique pour différents journaux britanniques et français au départ. Et ensuite pour Le Point, puis ensuite aussi pour des documentaires de télévision. C'était le Yémen, donc l'Afrique de l'Est, où l'esclavagisme n'a pas changé malheureusement. En Abyssinie de l'époque de Kessel, qui est l'Éthiopie d'aujourd'hui, et le Soudan d'aujourd'hui, en Mauritanie, l'Afghanistan bien sûr, d'autres contrées. Donc oui, ça donne envie de relire Kessel. Je donne un exemple, moi je reviens de Syrie, je suis allé en Syrie, vous le citiez là, pour un livre sur les Kurdes, qui est plutôt un essai. Eh bien j'ai relu Kessel, son livre qui s'appelle En Syrie, qui est une compilation de reportages. Quand vous lisez Les Jardins de Damas, ça n'a pas tellement changé. Palmyre, même si Palmyre a été en partie détruite, on a l'âme de Palmyre à travers les textes de Kessel, qu'il a écrit d'ailleurs au retour de ce qu'on n'appelait pas encore Israël, qui était la Terre Sainte. Il a voulu faire absolument donc un petit détour, et c'était des résors, la Syrie d'aujourd'hui. Et ça vous arrive de temps en temps, quand vous écrivez, de vous dire, tiens, comment Kessel aurait fait, et puis de relire peut-être un passage et de vous inspirer un peu directement d'une façon de faire de Kessel? Non, jamais. Je crois que les romans qu'on a lus jeunes, et les auteurs qu'on aime, qu'on continue de relire, bon, moi j'en ai peut-être une trentaine comme ça autour de moi qui m'accompagnent depuis l'enfance, plus bien sûr les nouveaux auteurs, doivent être tenus hors de portée, c'est-à-dire on les relit évidemment. On s'en inspire inconsciemment. Moi, je lis beaucoup la nuit, parce que je suis insomniaque. C'est pas une chance d'ailleurs. Vous avez plus besoin d'avoir une lampe de poche. J'ai plus besoin d'avoir une lampe de poche à la liseuse. Et donc, on s'en imprègne inconsciemment, mais il ne faut pas faire à la manière d'eux. Non. En revanche, si je me dis pour les jeunes journalistes, je leur dis d'ailleurs quand j'en rencontre, tel ou tel grand journaliste ou tel romancier journaliste pourrait faire ça avec une caméra ou internet, etc. Donc ça peut être inspirant pour des plus jeunes. On peut encore être journaliste à la manière de Kessel dans un monde où le fact-checking a quand même pris beaucoup beaucoup d'importance, où finalement le journalisme est très inspiré de la manière dont on le fait dans les pays anglo-saxons, alors que Kessel a une façon finalement très narrative, très française, un peu moins à cheval sur les faits, je pense, que dans les pays anglo-saxon. Voilà. Est-ce qu'on peut encore faire ce journalisme? C'est une très, très bonne question, effectivement. Elle est difficile, mais en même temps, oui, je crois, parce que même, évidemment, ces moyens d'information nouveaux, c'est extraordinaire, y compris pour les jeunes, et puis on peut être informé au fin fond de l'Afrique, même si on n'a pas accès à l'école, on peut avoir accès à l'information. Donc pour moi, c'est une révolution extraordinaire d'accès à la connaissance. Mais il faut en même temps qu'on puisse sortir de son cocon et d'aller chercher, encore une fois, non seulement l'information, mais la connaissance avec un grand C. Et oui, je crois que même en tant que jeune journaliste ou journaliste, si on est confronté à cette rapidité, non seulement de la collecte, mais de la rétention d'informations, et puis bien sûr quand on est lecteur, auditeur, téléspectateur de la lecture entre guillemets, je pense qu'on peut avoir des tendances longues, c'est même si on fait des reportages très courts. C'est un grand journaliste que j'aimais beaucoup, qui était contemporain de ou presque de Kessel, ils sont connus à François, c'est Lucien Baudard, qui était romancier, qui a eu le prix Interallié, le prix Goncourt, et qui était aussi un grand reporter, qui disait mais on est tous arrivés dans une ville en guerre à 5h du soir en débarquant de l'avion pour faire un papier à 20h. Mais en même temps, il n'empêche que si on reste longtemps, si on revient dans un pays ou dans un lieu de conflit qu'on a connu auparavant, on peut faire une sorte de tendance lourde, en fait. Hein. C'est, y a un terme pour ça en anglais, dans la presse américaine en particulier. Et donc, on fait des espèces de grands bilans comme ça sur plusieurs années. Et donc, je crois qu'il faut se battre aussi pour avoir le temps d'enquêter, d'écrire, de rapporter des documentaires de long terme. Regardez le succès de ce qu'on appelle les MOOC, les magazines. Et aussi laisser un peu de subjectivité aux reporters. Oui, je crois. De toute façon, elle est affichée inconsciemment ou entre les lignes. Donc, il ne faut pas avoir peur de revendiquer le jeu, mais un jeu qui ne soit pas narcissique, un jeu qui soit dans l'empathie, dans la compréhension, parce que ça, c'est du courage. Et je dirais au-delà même de l'objectivité, qui pour moi n'existe pas. L'objectivité normative est dangereuse. On serait dans une sorte de plan quinquennal de l'information à la soviétique. Mais en tout cas, l'honnêteté est le plus grand des critères. Et ça, c'est important de le revendiquer en journalisme et en littérature. J'aurais voulu être tout à la fois un ascète et un grand vivant, voyageur et un chercheur de laboratoire. Je sais pas, enfin, je voulais tout avoir, j'avais tout, et que j'étais insatisfait. Et puis, insatisfait de moi-même, ça, je fais pas de la fausse modestie, je me suis rendu compte très vite quand on commence. Je pense que quand un peintre commence, il croit à ce qu'il fait, il pense qu'il sera Léonard de Vinci. Moi, je pensais que je crèverais le plafond. Je me suis rendu compte assez vite que je n'écrirais jamais la guerre ou la paix, le crime et châtiment, Vautrin. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus être heureux. La Compagnie des œuvres sur France Culture et celle qui était à l'instant en archive dans un entretien avec Arlette Sayac, une archive de 1977 dans laquelle finalement on comprend que le bonheur, l'enchantement chez Joseph Kessel n'existe pas toujours dans sa vie. Il a une vie extrêmement difficile, vous l'avez dit, Olivier Weber, et ça on le ressent bien dans un des romans qui est en réalité une suite de romans dont on va parler à présent avec vous, c'est Le Tour du Malheur. Alors, avant de présenter Le Tour du Malheur et de dire un petit peu de quoi il s'agit, il y a peut-être un thème qui revient de manière comme ça lancinante dans l'œuvre de Kessel, c'est le thème de la culpabilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où ça vient, et en particulier dans sa biographie, Olivier Weber, ce thème de la culpabilité? Oui, je crois qu'on peut pas lire l'œuvre de Kessel sans penser à Dostoïevski. Il y a un côté vraiment culpabilité, il y a un côté rédemption, il y a un côté, en tout cas tentative de rédemption, il y a un côté remords et regrets. Alors il y a plusieurs raisons pour cela. L'une d'entre elles, c'est la perte de Lazare, Lola, le petit frère. En 1920, donc ils déjeunent ensemble, lui, Joseph Kessel, qui a 22 ans, qui revient de la Première Guerre mondiale, il était pilote, il était aviateur, il a fait même la guerre contre les Russes, une guerre introuvable contre les Russes rouges en tant que Russe blanc à Vladivostok, puisqu'il était volontaire dès l'armistice, même un petit peu avant, en 1918. Il revient au Réel de gloire, il revient au Journal des débats, il déjeune avec son petit frère en août 1920, donc il y a juste un siècle, sur le boulevard Saint-Michel à Paris, et puis à 17h, lorsqu'il est au journal, à côté du Louvre, il reçoit un appel du commissaire de police du 5e arrondissement. Monsieur Kessel, oui, c'est moi, votre petit frère est mort. C'est pas possible, je viens de le quitter, on a déjà ensemble. Si, si, il s'est tiré une balle, il s'est suicidé dans l'hôtel où il habitait, rue de la Sorbonne. Et Kessel ne s'est jamais remis de cette mort. Le soir même, il devait répéter de l'autre côté du jardin de Luxembourg à Paris aussi, donc dans le 5e arrondissement. Parce que tous les deux faisaient du théâtre à cette époque. Du théâtre, absolument. Et lui, le petit frère, Lazare, surnommé Lola, était donc pensionnaire à la Société française. Il avait bénéficié de plein d'articles, même Colette d'ailleurs avait écrit sur lui. Il devait répéter le soir même Le Prince de Condé au Théâtre de l'Odéon. Donc, immense culpabilité de Kessel. Alors, l'une des histoires, c'est que, et c'est un petit peu en demi-teinte dans l'équipage, dans d'autres livres, dans Le Tour du Malheur, c'est que Kessel, donc très jeune, à moins de 20 ans, part à la guerre. Et à l'époque, quand on était navigateur ou soldat dans l'aviation, on devenait très très vite pilote ou copilote, parce que évidemment les as des as mouraient et le taux de perte était extrêmement élevé chez les pilotes de biplan. C'était du coucou avec de la toile, hein, vraiment, et qui tombait très fréquemment face à la chasse ennemie, la chasse allemande. Et Kessel dit à son petit frère, écoute, je pars à la guerre, je te confie ma fiancée, Eva. Et le petit frère Lazare, qui était aussi beau que son grand frère, s'est tellement bien occupé de la fiancée qu'il est devenu son amant. Et bon, alors Kessel revient de la guerre, il pardonne au petit frère, etc. Mais quand il se suicide, donc Joseph porte une part énorme de culpabilité. Ce qu'on appelle et pourtant, le il n'y a pas tellement de raisons de ressentir cette culpabilité. Non, c'est ce qu'on appelle le complexe survivant. En fait, quand on perd un être cher et un suicide, un corpus de motivations diverses et variées, là, il y en avait plusieurs pour Lazare, qui était tourmenté, qui était chassé du domicile familial par le père, Samuel Kessel, qui était un médecin, donc installé depuis peu à Paris, depuis quelques années à Paris. Et donc, le grand frère s'est senti responsable, s'est senti coupable, c'est comme ça. Et toute sa vie, donc, il a porté cette faute sur les épaules. Ça passe par l'affliction, ça passe par le remords, le regret, bien sûr, mais ça part aussi ça passe aussi par un attrait pour la mort. Et cet attrait pour la mort, c'est leur porteur de guerre, c'est se réengager dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est la résistance aussi, bien que là, il y avait d'abord le courage, je pense, qui actionnait cette motivation avant la pulsion suicidaire. Mais en tout cas, ça se retrouve aussi dans le jeu au casino. Il a réussi à se faire interdire à vie, il a demandé à être interdit à vie de jeu dans les casinos par les différents préfets, parce qu'il claquait tout son fric, quoi. Et quelque part, c'est un peu se faire pardonner cette faute. Et puis, il y a eu la perte aussi de Sandy, sa première femme, qu'il a rencontrée sur le bateau quand il rentrait de Vladivostok, parce qu'à l'époque on prenait le paquebot, lui, de Shanghai jusqu'à Marseille par la mer Rouge. Et à bord, il rencontre une princesse roumaine qui parlait très bien le français, surnommée Sandy, donc qui devient sa femme. Sauf que Sandy a la tuberculose et elle meurt en 1928. Et là aussi, il a beaucoup porté la faute. Donc c'est un être complexe qui est tourmenté, d'où encore cette recherche du baroud pour parler de l'aventure intérieure et du remords, de la culpabilité. Et ça donc, ça se retrouve dans un certain nombre de ses romans, par exemple dans Les Amants du Tage, où il y a l'histoire d'un homme qui a tué sa femme et qui du coup part à Lisbonne, se convertit en chauffeur de taxi. Là, il rencontre une sorte d'alter ego, elle aussi assassine, c'est ça. Oui. Donc le thème de la culpabilité est ici très présent. Et puis, il y a donc le tour du malheur. Alors, avant de parler du tour du malheur, je voudrais qu'on écoute d'abord Kessel en parler un tout petit peu à Yves Mourouzi en 1974. De tous mes livres, c'est le seul qui, je puis dire, s'est imposé à moi. Les autres ont été conçus au gré des circonstances, au gré de reportages. Depuis le premier, enfin, le roman que j'ai écrit, L'équipage, qui vraiment date de très loin, c'était l'expérience de la guerre dans l'aviation. Le coup de grâce, c'était des aventures en Syrie, enfin, et beaucoup, presque tous mes livres ont été basés sur des expériences vécues et authentiques, presque. Là, c'est un livre qui m'a coûté beaucoup de préparation, beaucoup de travail intérieur. C'est la vie et les joies et les frénésies, et aussi le prix que coûte toute cette exubérance et toute cette fin de vivre à une génération qui allait de 1917 à 1927. La guerre, et puis l'après-guerre, ce qu'on appelait les années folles. Et j'ai eu besoin d'écrire ce livre, que je remettais de tout le temps, parce que je sentais que je n'avais ni l'expérience voulue, ni la maîtrise peut-être du métier. Et je l'ai commencé quand j'ai senti venir la Deuxième Guerre mondiale, pour essayer de l'écrire avant que la guerre n'éclatât. Alors, le tour du malheur, cycle romanesque en 4 volumes, La Fontaine Médicis, L'Affaire Bernand, Les Lauriers Roses et L'Homme de Plâtre. Et vous dites, Olivier Weber, que finalement, l'ensemble de ces livres aurait pu avoir pour titre Le Livre du Remords. Oui, Le Livre du Remords, parce que, encore une fois, donc, il paye un petit peu ses fautes. C'est un roman, une suite de romans qui est magnifique. D'abord parce que c'est écrit dans le temps, donc avant la guerre, un petit peu pendant la guerre lorsqu'il était à Londres, mais à peine des notes. Et puis, il retrouve le manuscrit qu'il avait enterré. Il faut raconter l'histoire du manuscrit. Voilà, il faut raconter l'histoire du manuscrit, parce que, donc, Kessel le dit, c'est le roman qui portait sa vie, qu'il avait vraiment, lui, au-delà même des récits, des romans d'amour, etc. C'est vraiment ce qu'il portait en lui depuis toujours. Il est un petit peu surpris, d'ailleurs, qu'il n'ait pas eu autant de succès que cela. Et donc, bref, il part en 1942 rejoindre De Gaulle. Il est membre de la résistance du réseau CART sur la Côte d'Azur. La résistance lui dit, écoute, t'es repéré, t'es juif, faut que tu partes très vite, la Gestapo arrive. Il part par l'Espagne, il arrive à Londres, et il enterre avant de partir dans le puits d'une maison dans le Var, sur la Côte d'Azur, près de la mer. Il l'enterre carrément au fond du puits, et la maison appartient à une amie d'une de ses maîtresses, et donc il s'est dit, je suis pas sûr de le retrouver. Il a quand même un exemplaire de copie avec lui. Mais il va retrouver ensuite, en 1945, donc le manuscrit qui est pratiquement intact au fond du puits, qui était bien abrité quand même. Mais il avait bien peur de ne jamais pouvoir continuer, parce que c'est un roman qu'il portait en lui et en même temps qui était difficile à écrire, où il accusait le père, ou Richard Dallot, le héros, qui est un jeune avocat, et vraiment le portrait, le double de Joseph Kessel. On y voit son frère. frères, on y voit des trahisons, on y voit des histoires d'amour. C'est le roman des passions. C'est le roman des passions, on y voit beaucoup de drogue aussi, c'est assez courageux à l'époque que de parler de cocaïne, même d'héroïne à l'époque, et lui a été initié par l'un des futurs grands maîtres de la résistance, et ensuite par Cocteau en fait à la cocaïne et à l'opium et à la morphine, et donc voilà, on sort un peu imbibé et un petit peu groggy de ce roman, mais c'est un roman qu'on peut lire encore aujourd'hui parce que il y a tout dedans, il y a le parricide, il y a le régicide, enfin il y a tout, c'est la tragédie grecque d'Eschyle, de Sophocle et d'autres dans toute sa splendeur. Alors c'est un roman qui a été écrit sur une très longue durée, environ 20 années, ça dit aussi beaucoup l'importance que ce roman avait pour Kessel, qui a donc mis beaucoup de lui. Ces 20 années, c'est les années d'entre-deux-guerres. Est-ce que c'est un roman des années folles? Est-ce qu'il a capté cette énergie très ambivalente, à la fois faite de joie et puis en même temps de cette espèce de blessure de la Première Guerre mondiale et la peur aussi d'un nouveau conflit qui va finalement arriver? Est-ce que c'est ça aussi, le tour du malheur, cette oui, époque? Beaucoup, beaucoup. C'est ce qu'on a appelé pour la littérature américaine la génération perdue, qui est un terme un peu inadéquat avec Hemingway. Hemingway disait, mais j'ai des bombes dans la tête depuis 1918, depuis qu'il était blessé. Et Kessel aussi, est-ce qu'il a été cassé par la Première Guerre mondiale? Oui, il avait des bombes dans la tête parce que, comme Romain Gary, il a dit, pour moi, la plus grande fraternité, la première famille, pour moi, c'est pas l'amour, c'est pas la famille, c'est l'aviation. C'est pas l'armée, c'est l'aviation. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'esprit chevaleresque, mais au sens éthique du terme, pas au sens castique ou hiérarchique. Et cette fraternité du jeune pilote ou copilote Kessel, qui va y arriver les As des As, et comme Thélyse Vachon, certains mourir, Thélyse Vachon qui était un grand pilote qui est mort à 24 ans et qui est mort en atterrissant d'ailleurs après avoir descendu un avion allemand, et Kessel était bouleversé par ce genre de disparition parce qu'il n'était pas sûr de voir revenir les pilotes lorsqu'ils décollaient très tôt de la base de Jonchery en Champagne, et donc cette guerre, il sentait qu'elle allait revenir, et les années folles pour lui c'était un terme qui n'était pas approprié parce qu'il savait qu'on allait rebasculer dans quelque chose, et ça il l'a senti assez vite par cette énergie qu'il avait en lui, cette empathie, le fait aussi d'avoir été en Allemagne, d'avoir capté avant 1933 ce qu'allait être le nazisme. Il a dit d'ailleurs, j'ai croisé Hitler, j'ai regretté de parler de revolver. Et il y a une autre personne qui a dit ça, qui est un grand poète du surréalisme, c'est Philippe Soupeau, que j'ai connu lorsque j'étais très très jeune, qui était pas très très loin d'ailleurs de Radio France en maison de retraite, et qui disait, moi aussi j'ai croisé dans un ascenseur Hitler et j'aurais voulu avoir un revolver. Et Kessel savait que ça allait basculer. Il en a fait un roman, parce que ces articles en 1932-33 sur la potentialité des camps d'internement qui allaient devenir des camps de concentration, Dachau, c'est quelques mois après l'accession de Hitler au pouvoir en janvier 33, c'est en mars 33 que Dachau voit le jour. Mais déjà en 32, on savait que les nazis voulaient construire des camps de concentration, des camps d'internement. Kessel l'a écrit, personne l'a écouté dans ses articles, personne ne l'a suivi. Donc il a fait un roman. Ça s'appelle La Passion du Sans Souci, et qui est plus connu d'ailleurs pour le film avec Romy Schneider que pour le film. Mais c'était aussi son talent de visionnaire que de décrire un petit peu cette réalité, y compris par le roman. Est-ce que vous diriez que dans le tour du malheur, Kessel a aussi donné une manière de vivre qu'il lui semblait légitime? Est-ce qu'il se justifie aussi? Est-ce qu'il y a une forme de philosophie de la vie, ou en tout cas une réflexion autour de ce que doit être la vie, de comment est-ce qu'on peut vivre malgré tout? Oui, beaucoup, beaucoup, absolument. Et puis, je dirais qu'il y a presque une philosophie du désespoir, une littérature du désespoir, un petit peu Dostoïevski là aussi. C'est-à-dire, je paye pour mes souffrances, mes affres, pour mes fautes, et en même temps, comme je les expurge, comme je les écris, elles sont déjà inscrites dans le passé, donc elles ne m'appartiennent plus. Il y a une sorte de catharsis au sens dramaturgique du terme dans ce roman, dans Le Tour du Malheur. Et c'est là où le roman est beau, parce que c'est le roman de l'espérance et de la tragédie en même temps. Alors ça peut paraître antinomique, pas du tout, pas du tout. Les deux se confondent. Cette comédie humaine, qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Kessel? C'est un tour du monde de la condition humaine en 80 volumes. Grosso modo, c'est ça. Donc c'est avec des espérances, mais avec des des horreurs, des beautés, les grandeurs de la terre. Et d'ailleurs, très souvent, il a davantage trouvé du bonheur à décrire des gens très simples, en Syrie, en Afghanistan, au Yémen, en Afrique, que de décrire les guerres, les conflits ou les grandes sous-mondes. Voilà, ce qui l'intéressait, c'était la nature humaine elle-même, dans ses grandeurs et dans ses bassesses. Mais à la fin, est-ce que ce n'est pas quand même le désespoir qui l'emporte, et y compris dans sa vie? Il faut rappeler qu'il s'est marié en 1949 pour le meilleur et aussi pour le pire, avec une femme qui avait un gros problème avec l'alcool. Lui aussi, sans doute, avait un problème avec l'alcool. Tout ça se termine tout de même assez mal, non, Olivier Weber ? Il y a beaucoup de tragédies autour de lui. En même temps, je dirais, alors pour sa femme, Michelle Bryan, qui était une Irlandaise très très belle, qu'il avait connue à Londres, et qui était plus jeune que lui, elle est sombrée, a sombré vraiment dans l'alcoolisme, ce qui n'était pas le cas de Kessel, qui arrivait toujours à arrêter ses penchants pour la dive bouteille, pouvait s'arrêter, se sevrer en même pas 24 heures. Et Michelle O'Brien, son épouse, donc Michelle Kessel, était vraiment alcoolique en revanche, et ça, les psychiatres qui l'a soignée et les spécialistes de l'addiction en témoignent encore aujourd'hui. Mais Kessel, c'est vrai, avait ce remords sur les épaules, il disait, bah oui, c'est alcoolique, si elle boit, c'est à cause de moi. Mais je dirais, sans faire une réponse de Normand, je dirais que c'est un désespéré dans l'espérance. Et grosso modo, Kessel avait une telle énergie de vie, une telle pulsion de l'espoir, un tel désir d'écrire aussi. Donc le désir d'écrire, c'est aussi une rédemption, qu'il parvenait à rester dans l'espoir. Et du coup, c'est un petit peu symptomatique qu'il va faire un livre sur justement les alcooliques anonymes. Et il dira, j'ai fait deux choses bien dans ma vie, c'est aider Israël à ses débuts et faire connaître les alcooliques anonymes en France. Oui, Israël avec le visa 001 1948. Et puis les alcooliques anonymes, parce qu'en 1960 et quelques, en 61, il est à New York pour François. Et il a vend donc de cette association qui s'occupe des anciens alcooliques. En tout cas, les anciens prennent en tant que parrain les alcooliques du moment. Et il trouve que c'est formidable. Il en fait un livre avec les alcooliques anonymes. J'ai failli commencer le livre avec cette lettre, ce AA. Puis on s'est dit, tiens, c'est peut-être pas très très bien pour le lecteur que de l'abîmer tout de suite. On a commencé par 001, le premier visa pour Israël en mai 48. Mais en tout cas, il a sauvé sûrement des milliers, voire des dizaines de milliers de vies. Il recevait des lettres quotidiennement d'anciens alcooliques qui disaient, mais grâce à vous, j'ai pu approcher un chapitre. Un chapitre, donc, c'est un bureau des alcooliques anonymes. J'ai été sauvé. Et donc, oui, ça c'est quelque chose de très positif. Même si finalement c'est un des livres qui s'est le moins vendu de Joseph Kessel, mais les gens qui l'ont acheté sans doute en ont fait très bon usage. On va continuer à parler de Kessel avec vous dans quelques minutes, Olivier Weber, juste après la chronique du jeudi. Elle est proposée aujourd'hui par Frédéric Maget. La Compagnie des œuvres. Mathieu Garrigou-Lagrange. Et bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes le directeur de la maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, qui a d'ailleurs rouvert malgré le Covid dans des conditions sécurisées. On peut donc s'y rendre de nouveau. Et vous allez justement nous parler de Colette, car vous avez sorti de vos archives colettiennes une photographie et une lettre en lien avec notre sujet du jour. Sur la photographie, sans doute prise au milieu des années 30, les visages sont encore radieux, les peaux insolemment bronzées, pas de tourisme de masse, pas de yacht, pas de paparazzi. Saint-Tropez n'est pas encore Saint-Trope, mais un petit port de pêche où se retrouve une clientèle sélecte, loin de Paris, dans la compagnie des écrivains et des artistes peintres. Le soir venu, on se retrouve chez Sénéquier, et sur la photo, autour des nappes, des tables nappées, on reconnaît Jean Cocteau, Jean Marais, Marcel Auclair, Serge Liffard, Germaine Sablon, Joseph Kessel, Maurice Goudquette et Colette. Alors dans cette assemblée prestigieuse, tout de même, Colette fait un peu figure de pionnière, puisqu'en novembre 1925, elle a acquis, juste à la sortie du village, sur la route des Canebiers, un petit mât abandonné qu'elle a entrepris de retaper pour en faire sa dernière demeure. Et en raison de sa situation entre mer et vigne, elle l'a baptisé la Treille Muscate. En 1928, elle publie La naissance du jour, consacrée à cette nouvelle terre natale, tout entier remplie des bruits, des odeurs, de la lumière provençale, mais aussi, c'est vrai, d'une forme de sérénité. Donc ça veut dire que Colette se serait assagie, c'est ça ? C'est en tout cas ce qu'elle voudrait bien faire croire à ses lecteurs. Fini la vie militante, annonce-t-elle. Elle a décidé de faire la paix avec les hommes, car, écrit-elle, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Elle reprend ici un thème, bien sûr, qui lui est cher, qu'on retrouve dès La Vagabonde, le renoncement à l'amour, auquel s'ajoute désormais celui de la vieillesse qui approche. Une des grandes banalités de l'existence, l'amour, se retire de la mienne. Sorti de là, nous nous apercevons que tout le reste est gai, varié, nombreux. C'est d'ailleurs désormais dans le portrait, les lettres de sa mère Sido, qu'elle cherche à se composer. Poser un nouveau visage, une philosophie faite d'abstention, car, affirme-t-elle en tout cas, on possède dans l'abstention et dans l'abstention seulement. Mais est-ce qu'il faut la croire sur parole ? Non, avec Colette, il faut toujours se méfier. D'ailleurs, elle a prévenu ses lecteurs au début de La naissance du jour. Imaginez-vous à me lire que je fais mon portrait ? patience, c'est seulement mon modèle. En effet, après sa rupture avec Bertrand Jouvenel en 1925, elle n'a pas tardé à trouver un nouvel ami, le meilleur, dira-t-elle, un noir garçon, courtier en perles de 17 ans, son cadet, une peau de satin, écrit-elle à Marguerite Moreno. Non, Colette, bientôt 60 ans, n'a rien perdu de son pouvoir de séduction, ni de son envie de séduire d'ailleurs. On peut s'en faire une idée dans cette lettre inédite à Joseph Kessel, qui répond à l'envoi d'une photographie. « Cher Jeff, je mets deux F parce que c'est plus touffu. C'est cette photographie-là que je voudrais pour mettre dans la lettre d'amour que vous tardez tant à m'écrire. Mais je sais, funeste expérience, qu'une lettre d'amour est aussi ennuyeuse à écrire qu'un roman. J'ai reçu autrefois une très jolie lettre d'amour ainsi conçue. Vite, la clé sera derrière le volet. » Ça, c'était une invitation à Kessel ? Non, pas sûr. Colette et Joseph Kessel, se connaissent depuis longtemps, professionnellement, et se vouent d'ailleurs une estime réciproque. Ils se sont croisés souvent dans les rédactions des journaux, et en ce début des années 30 au journal, où Colette tient la chronique dramatique, elle se retrouve chez Horace de Carbussia, pas très loin, qui est le directeur de Gringoire. Mais alors qu'elle écrit cette lettre, Colette en fait a déjà confié la clé de derrière le volet à un autre. Il faut lire la suite de la lettre. « Tout va bien. » Kessel 2 mange, voit, nage et fait des pointes. Consultation, quand on tutoie un Kessel, le même traitement s'impose-t-il à l'autre ? Les lecteurs de Colette auront bien sûr reconnu le traitement revigorant administré 10 ans plus tôt et selon d'ailleurs les mêmes termes à son jeune amant d'alors, Bertrand de Jouvenel. Né en 1904, Joseph Kessel, le fameux Kessel 2 de la lettre, ne manque pas de charme, en tout cas pour Colette, c'est un peu le bad boy de la famille. Beau garçon, le dit gigolo, flambeur, victime de ses passions et de ses vices. Son frère d'ailleurs, Joseph, le relève sans cesse, lui invente des revues, des postes de rédacteur en chef, qu'il occupe d'ailleurs fugitivement, d'où le surnom que lui a donné Colette, la fumée. Et en 1936, d'ailleurs, les deux frères se sont associés pour fonder la revue Confession, pour laquelle ils ont requis l'aide de leurs proches, parmi lesquels, bien sûr, Colette, qui leur donne un certain nombre d'articles au titre vaguement sensationnel. Colette dévoile le vrai visage de Chéri, Stavisky tout en Camon, avoué, point de suspension. Mais cet été-là, sur la plage des Salins, il ne sera pas question de l'obsession de papier en retard, comme elle le confie une fois de plus à sa meilleure amie Marguerite Moreno. Je voudrais continuer cette vie de luxe effréné que je mène ici, pieds nus, maillot de laine décoloré, vieille veste, beaucoup d'ail, bain à toute heure, seul, ou en compagnie de Georges Kessel, ce jeune cachalot, dit-elle, avec lequel elle aime jouer dans la mer, ou, si on en croit Claude Pichot, le biographe de Colette, hors de l'eau également. Ce que confirme d'ailleurs Jules Roy dans son journal. Elle envoya Maurice Goutquet se promener pendant une quinzaine de jours afin d'être libre avec un homme que je connais et qui devait avoir 30 ans. Colette avait 60 ans et Georges Kessel serait, en tout cas, en croire les biographes, son dernier amour de vacances. Bon, alors Colette, visiblement, c'est un peu « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Oui et non, parce que finalement, la naissance du jour où l'écrivaine professe le renoncement à l'amour est remplie de propos sur l'amour. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut relire les dernières lignes du roman, tout entière tournée vers l'avenir. Qu'elle prenne patience, la fin profonde du moment qui enfante le jour, l'ami ambigu qui saute à la fenêtre erre encore. Il n'a pas, en touchant le sol, abdiqué sa forme. Le temps lui a manqué pour se parfaire, mais que je l'assiste seulement, et le voici allié, embrun, météore, livre sans borne ouvert, grappe, navire, oasis ou cachalot. Merci beaucoup Frédéric Magé d'avoir éclairé de cette lumière estivale le dernier amour de Colette. Encore un destin tragique, cet autre frère de Kessel, Olivier Weber, qui va peut-être lui aussi, alors on ne sait pas si c'est un suicide, mais en tout cas sa mort est un tout petit peu mal comprise. Oui, elle est mal comprise. On a dit qu'il était mort d'une surdose, d'un accident cardiaque après une surdose d'opium. En fait, on pense que c'est vraiment un suicide, effectivement. Et donc là aussi, ça a marqué Kessel. Il est encore en vie. Lui est mort bien plus tard, en 1979, et donc là, voilà, la tragédie s'achève avec la mort de Georges. La compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture, avec le dernier épisode aujourd'hui de cette série consacrée à l'écrivain et reporter Joseph Kessel, dont nous allons à présent tenter d'approcher le rapport complexe à la religion de celui qui était un juif russe et non pratiquant. Le voyageur qui débarque en Palestine n'est jamais seul. Des souvenirs innombrables et tels que nulle autre terre ne peut en susciter l'équivalent lui font escorte. La Bible, l'Évangile, les croisades. Quel coin de l'univers, autant que celui-ci, à chacune de ces pierres marquées d'histoire, chacune de ces vallées couvertes de tombeaux et d'espérances. Les royaumes s'y sont faits et défaits. Dieu, par deux fois, a parlé dans ces rochers déserts, sur ces fécondes collines. Tout enfant, même le plus illettré, a subi l'influence de l'esprit qui depuis plus de 3000 ans souffle des plateaux de Judée, Jérusalem, le Jourdain, Jéricho, les monts du Moab, Nazareth, Tibériade. Ces noms ne forment-ils point une géographie intellectuelle et sensible aux résonances si profondes que chacun de nous en a son être inconscient, tout imprégné? Mais des compagnons pareils venus de si loin, de si haut, s'ils troublent d'une émotion puissante celui qui, soit par le désert de Lachish, soit par les sables de Caïfa, soit par la rade de Jaffa, qui porte en haute mer l'arôme des orangers en fleurs, touche à la terre promise, le remplissent aussi d'inquiétude. Après l'enchantement en début d'émission, puis le désespoir, nous voilà donc dans le chapitre de la foi. Olivier Weber avec cet extrait de l'article « Témoin des hommes » publié par Kessel en 1926. Et quand on l'écoute, on a l'impression de lire la prose d'un croyant, un croyant qui pourtant se disait athée. Alors qu'en est-il ? Oui, athée. Alors d'abord, il faut dire qu'il est né en 1898, lui, Joseph Kessel, dans une colonie juive du baron Hirsch. Le baron Hirsch est un mécène qui avait permis à son père, Samuel Hirsch, de faire des études de médecine à Montpellier, où il a rencontré donc Raïssa, sa future femme. Et la famille était juive, mais non pratiquante. C'était une famille totalement laïque, on ne suivait pas les fêtes, ou si peu, etc. Et dans une culture tout de même... Une culture juive de l'exil, mais sans pratique fondamentale, sans attachement au rite religieux. Et Kessel va découvrir d'une part sa judaïté, et deuxièmement un attachement à la Terre Sainte, parce qu'il s'agit d'abord de la Palestine en 1926, et ensuite, lorsque l'État d'Israël se crée en 1948, il devient un farouche partisan de l'État d'Israël. Alors c'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où il veut couvrir donc la proclamation de l'État de l'indépendance par le futur Premier ministre Ben Gurion, en 1948, il monte dans un avion en France, un petit avion à pétrel avec des marchands d'armes juifs français. Il doit arriver à Tel Aviv et à peine la proclamation de l'indépendance a-t-elle été faite que la première guerre israélo-arabe débute. Et donc, ils ne peuvent pas se poser à Tel Aviv. L'avion se pose à Haïfa et au bout de la petite piste de la Térite, tenue la veille encore par l'occupant britannique, débarquent des jeunes militants de la Ghana et des douaniers juifs du tout nouvel État d'Israël et qui tamponnent sur le passeport de Kessel, donc le visa 001, et disent bienvenue à dans l'État d'Israël, à Joseph Kessel. Mais en 1926, c'est une terre qui est en train d'être cultivée par des colons tchèques, des colons allemands, des colons français, des colons même juifs marocains, etc. Et Kessel est émerveillé par évidemment cette énergie incroyable des colons, des pionniers, des chalouts qui font surgir des marais du désert, des terres cultivables, etc. Et il est fasciné par ses destins, d'où est-ce qu'ils viennent. Finalement, c'est un peu lui, ils viennent de Tchécoslovaquie, de Lituanie ou de Russie. C'est des déracinés, comme lui, d'une certaine façon. Tout à fait, absolument. Il y a le culte du nomade éternel, sinon du juif errant, et Kessel est très sensible à ça. Et la judaïté la découvre ainsi au fur et à mesure. Et donc alors, c'est une judaïté de l'action, un petit peu. De l'action, absolument. Et comme disait Romain Gary, qui était son petit frère, juif russe et d'origine russe et niçois d'adoption comme lui, et aviateur aussi, écrit un grand reporter, avec 16 ans d'écart, Romain Gary disait qu'il était un peu juif contrarié. Ben, Kessel, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, c'était pas un pratiquant. Il le découvre au fur et à mesure. Bon, il s'est un petit peu éloigné quand même d'Israël à la fin de sa vie. Il avait couvert en 61 le procès d'Eichmann. Mais en tout cas, dès qu'on avait besoin de lui pour Israël, il signait les papiers, il se faisait le chantre et le tribun de ce nouvel État, etc. Et pour la petite histoire, simplement, en 1926, quand il arrive en Israël, son fixeur, comme on dit aujourd'hui, donc son accompagnateur, c'est qui ? C'est Chaim Weizmann, qui va devenir le premier président de l'État d'Israël et qui arrive à le convaincre à venir en Israël. J'ai vu cette guerre absolument stupéfiante, une guerre menée par 750 000 habitants, c'est-à-dire le quart de Paris, contre des États arabes qui, eux, comptaient des dizaines de millions de population. Mais, malgré ces disproportions numériques, en somme, la victoire israélienne qui a étonné le monde n'a pas aussi étonnante quand on y réfléchit. D'ailleurs, il n'y a jamais de miracle. C'est mon expérience qui me l'a montré. quand on voit les choses au fond, on trouve toujours une explication. C'est ça, mais il n'y a quelquefois pas de raison raisonnable. Alors quelles étaient les raisons déraisonnables ? Les raisons déraisonnables étaient que chacun des hommes et chacune des femmes qui habitaient le territoire exigu d'Israël savaient pourquoi ils étaient là et savaient qu'ils ne pouvaient vivre que là, que ou leurs parents ou qu'eux-mêmes avaient défriché le sol et que leur mystique leur ordonnait de mourir pour ce sol. Tandis que ni du côté des Égyptiens, ni du côté des Irakiens, ni du côté des Syriens, les soldats ne savaient pourquoi ils se battaient. On leur avait promis une proie facile, le pillage, le viol. Ils ont rencontré des gens déterminés à se battre jusqu'à la mort et ils ont été complètement déroutés. Et bien qu'ils fussent armés assez puissamment, ces Arabes ont reculé devant des gens que j'ai vus qui avaient une seule mitrailleuse pour plusieurs colonies. Et la mitrailleuse faisait la navette d'une colonie à l'autre selon la mesure de la menace à laquelle elle était soumise. Par conséquent, il n'est pas étonnant que ces hommes et ces femmes aient triomphé. Dans cette archive de Kessel, on entend le mot mystique. C'est intéressant parce que c'est une archive politique finalement. Il est question de la guerre, il est question de se disputer des territoires. Mais ce qui fait que, selon Kessel, les Israéliens remportent la guerre, c'est à cause de la mystique. Est-ce qu'on n'est pas justement là dans la religion de Kessel, c'est-à-dire, encore une fois, ne pas croire vraiment en un dieu, mais croire en quelque chose d'autre? Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce qui soude un peuple? Est-ce que c'est l'espoir d'un avenir? Est-ce que c'est une utopie? Comment vous voyez les choses? Je crois qu'il y a, pour Kessel, cette fascination qu'on a tous eue pour un pays ou pour une cause, ou pour certaines causes perdues justement, c'est le mythe de la terre promise. Et c'est fascinant de voir que pour un déraciné, un exilé permanent comme Kessel, un nomade éternel, il y a cette possibilité du réenracinement. On va se chercher des racines, on va creuser littéralement d'ailleurs dans le sol, et puis on va faire une terre fertile, etc. Et Kessel est extrêmement sensible à ça. Puis deuxièmement, le vivre ensemble avec des gens qui ne parlaient pas les mêmes langues, on parlait pas hébreu aussi peu, on parlait l'anglais, l'allemand, le français, etc. dans ces colonies. Donc c'est le collectif aussi qui... C'est le collectif, absolument. C'est cette mandature en quelque sorte, et encore une fois cette philosophie d'espérance. Et donc ça fascinait Kessel, et puis bien sûr aussi la hantise d'être dominé, d'être envahi, d'être renversé par les pays environnants. Rien n'était jamais acquis avant 48 et bien sûr après 48 aussi. Et donc ça fascinait Kessel, et puis il était avant tout aussi reporter de guerre. Donc quelque part, je dirais qu'il y a presque aussi une troisième raison qui est le conteur russe. C'est un conteur. Il s'empare tout d'un coup d'une histoire ou d'un personnage surtout, puis il en fait soit une nouvelle. Une nouvelle à l'époque était assez longue, effectivement, non pas 10 pages, mais plutôt 30, 40 ou 60, ou un roman. Et pour Israël, ça fait Terre d'amour, ensuite Terre d'amour et de feu, c'est un peu pas le même livre qu'il a réécrit. Les fils de l'impossible également, où il parle justement de ces colons qui arrivent dans les années 20 et les années 30 dans le futur Israël. Et ils racontent leur vie, ils racontent leur destinée. Donc voilà, la mystique de Kessel est là. Effectivement, on peut la comparer presque à une mystique russe, pas du tout religieuse, mais une mystique littéraire, à la Dostoïevski, le côté possédé, justement. Et lui était possédé par ses sujets. Est-ce que le sentiment du divin, on ne le retrouve pas aussi dans le lion, par exemple, dans le rapport de cette petite fille avec un être avec lequel elle ne peut pas communiquer par la parole, puisque c'est un lion, mais avec lequel il se passe quelque chose, en effet, de presque surnaturel? Oui, il y a ça. Donc, Kessel était fasciné d'une part par les grands espaces. Il est né dans la pampa argentine, qu'il n'a pas connu, était trop petit. Les parents sont partis assez vite en Russie, mais après, il a connu donc les steppes de l'Asie centrale, qui étaient vraiment les steppes asiatiques, dont je parlais tout à l'heure à Ehrenbourg, sur les bords de l'Oural. Et il a découvert à 50 ans qu'il était fasciné par un pays musulman qui était l'Afghanistan. Et d'ailleurs, les cavaliers qui lui a pris non pas trois semaines pour l'écrire, contrairement à d'autres romans, parce qu'il écrivait quand même très vite, mais 7 ans, les cavaliers, il n'y a pas un personnage qui ne soit afghan. Il n'y a que des Afghans où il y a à un moment une gitane aussi qui vient d'Asie centrale, mais il n'y a pas de personnage occidental. Et vous dites qu'il y a une aura religieuse d'ailleurs dans ce livre. Et il y a une aura religieuse, absolument. Là aussi, il y a une mystique, un peu une mystique soufie, une mystique de la musique, une mystique de l'amitié, de la loyauté, du code de l'honneur qu'on retrouve. Ça peut paraître étonnant, mais ça existe encore aujourd'hui en Afghanistan. Pas l'Afghanistan des talibans, le vrai Afghanistan, qui n'est pas l'Afghanistan non plus du tchadri, donc du voile sur les femmes, qui est l'âme de l'hospitalité afghane. Et Kessel était fasciné par ça. Donc sa mystique était là, effectivement, et ça nous pousse encore à prendre notre bâton de pèlerin pour aller voir ce qui se passe au bout du monde. Ouais. Même dans le Tour du Malheur, hein, dont on parlait tout à l'heure, Olivier Weber, les personnages sont plutôt athées. Je pense à Anselme Dallot qui se dit profondément athée, qui dit qu'il ne croit qu'à la science. C'est Diderot aussi, un petit peu, le côté Diderot de Kessel. Mais il dit quand même, en tant que personnage, que la foi est source de sagesse. Donc tous reconnaissent, il y a quelque chose d'un peu d'agnostique finalement. Oui, tous oui. reconnaissent qu'il y a quelque chose. Oui, absolument. Il y a une philosophie de l'agnosticisme, on y croit sans y croire. En tout cas, au fur et à mesure de l'expérience de l'année, des années, on se rend compte qu'il y a une sagesse à acquérir, voire une sérénité à travers cette dimension mystique ou de croyance religieuse ou pas d'ailleurs. C'est peut-être une croyance, une spiritualité laïque, comme on dit aujourd'hui. Et donc oui, et ça se retrouve également, vous le disiez tout à l'heure, dans Le Lion, ce qui est un roman presque écologique. Alors, grosso modo, on en a assez des hommes, mais il y a ce roman du retour à la terre, du retour à la nature, d'une amitié extrêmement forte entre Patricia et King, le lion, qui se finit pas très très bien. Et puis, donc le petit frère de Kessel en littérature et en reportage, qui est devenu reporter sur le Tard, donc Romain Gary que j'ai cité tout à l'heure, avait fait la même chose avec Les Racines du Ciel, qui est le premier roman écologique, on va dire, hein, ça date quand même des années 50, 1956, si j'ai bonne mémoire, après Goncourt. Et donc, voilà, on est avec des êtres qui sont un peu désespérés, on va dire, comme Kessel et Gary, en même temps qui ont gardé cette espérance, cette foi en l'homme, cette foi en la nature, et cette foi peut-être justement aussi très spirituelle. Alors pour terminer sur le rapport à Israël, il faut quand même dire que Kessel a écrit le scénario d'un documentaire tourné par Frédéric Rossif en 1967, qui s'appelle Un mur à Jérusalem. Il avait aussi monté avec Georges Walter une revue, Les combats d'Israël, en 1973. C'est une revue qui n'avait pas marché très très longtemps. Non, ça l'avait déçu d'ailleurs. Alors, Georges Walter, j'ai connu parce qu'il a fait partie du prix que je préside, donc du prix Kessel. Et Georges Walter, écrivain et journaliste disparu récemment, connaissait bien Kessel et donc en parlait fréquemment. Et ce journal, cette revue, Les combats d'Israël, n'a pas marché. Bon, Kessel disait, bon, tu comprends, moi j'ai fait tellement de revues dans ma vie. Vous parliez de Gringoire tout à l'heure, auquel collaborait justement Romain Gary. Il a écrit ses deux premières nouvelles, mais il y a aussi Détective auquel collaborait, donc non seulement Cocteau et bien d'autres, mais aussi Colette. C'était vraiment quelqu'un qui donc n'était plus à sa première création éditoriale près. Et voilà, pour lui, c'était pour Georges Walter. Par contre, c'était un échec, effectivement. Et le film, oui, c'est un très beau film. Un film avec une très très belle narration, presque poétique. Ça me fait penser à l'espoir de Malraux sur la guerre d'Espagne ou à la terre d'Espagne, commenté et scénarisé par Hemingway et tourné par Yuri Stevens sur la guerre d'Espagne également. Oui, il y a un engagement qui se sent, qui est à la fois poétique et charnel par rapport à la terre d'Israël de la part de Kessel. Mais ça n'est quand même pas un film hollywoodien. C'est vraiment une industrie avec des lois tout à fait particulières. Ainsi, je parle de l'époque où j'y étais, c'est-à-dire 1936, l'actrice qui rapportait beaucoup plus d'argent que n'importe quelle vedette, homme ou femme, était une petite fille du nom de Shirley Temple. Tout le monde l'a vue ou en tout cas se souvient de ce nom. Elle représentait, d'après les calculs de la compagnie qui l'employait, un capital de 1 milliard de dollars. Et la grande astuce des gens qui jouaient à la bourse à Hollywood était de savoir à l'avance quand sortirait un film de Shirley Temple pour pouvoir, à ce moment-là, ou plutôt quelque temps avant, acheter des actions, car on était sûr que les actions de la compagnie de cinéma qui employait Shirley Temple montaient. Toute la vie à Hollywood était extraordinaire. Pour nous, tout au moins. Ainsi, vous passiez devant une église, et un haut-parleur, après avoir joué quelques airs de jazz, commençait à débiter la réclame pour cette église, disant « Ici, c'est mieux aéré, ici, c'est mieux air-conditionné, ici, les voies sont les plus belles, venez, venez, et vous approcherez de Dieu plus facilement. » Finalement, pour s'approcher de Dieu plus facilement, il faut juste un bon décor, une bonne mise en scène comme on sait les faire à Hollywood. Olivier Weber, j'avais envie de terminer sur ce thème du cinéma parce que c'est l'une des entrées de votre dictionnaire amoureux de Joseph Kessel. Ça le fascinait, cette histoire de Shirley Temple, par exemple, hein, cette histoire d'attirance et de répulsion qu'il pouvait avoir d'ailleurs pour tout ce qui fait Hollywood et cette espèce de décorum. Oui, bah, il a écrit un livre d'ailleurs et puis il disait que Hollywood c'est un décor de carton-pâte grosso modo et il était aussi fasciné par ce monde parce qu'il avait gagné beaucoup d'argent dans les années 30 et ensuite aussi après-guerre. Il était un scénariste assez réputé quand même à Hollywood grâce à son ami Litvak qui était devenu donc producteur hollywoodien et beaucoup de ses livres ont été adaptés au cinéma. Je parlais de Belle de jour tout à l'heure de Buñuel. C'est avec peut-être la meilleure adaptation de tous ses livres. Oui, absolument. Est-ce que les autres, est-ce qu'elles sont bien? Non, les cavaliers, c'est pas terrible. Avec Omar Sharif, qui était même pas cavalier. Enfin, lui, c'est un bon acteur, mais le film n'était pas bon. Et le lion, lui, était extrêmement déçu. D'ailleurs, il était attaqué en justice par le père de Patricia, qui était ce gardien donc de la réserve de safari dans l'Afrique de l'Est. Le personnage de la petite fille. Le personnage de la petite fille, amoureuse du lion, absolument. Et non, il était plutôt déçu par les adaptations qu'il n'avait pas écrites lui-même, évidemment. Sauf Belle de jour. Oui, Belle de jour de Buñuel. Alors, Belle de jour, en deux mots, peut-être. On va en dire ce que c'était, c'est que ça paraît en 1928. Pour moi, c'est un roman visionnaire, parce que Belle Jour, c'est quoi? C'est Séverine, qui est une bourgeoise du 16e arrondissement à Paris, quartier chic, mariée à un dentiste. Et qu'est-ce qu'elle fait l'après-midi? Elle se prostitue dans un bordel chic également. Et elle se sadifie, elle passe par des pratiques sadomaso. Et donc le livre sort, et 1928, il a 30 ans, Kessel déclenche un scandale incroyable. Comment une bourgeoise peut se prostituer en 1928, etc. Ça fait un gros scandale. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, Séverine, incarnée dans le film de Buñuel par Catherine Deneuve, qui est un des très très beaux rôles de Deneuve, et bien Séverine, on apprend à la fin du livre qu'elle a été violée. Au début même du livre. Oui, et au début, et c'est expliqué aussi un peu plus loin en détail. Et donc, elle a été violée. Et Kessel, dans ce livre, dénonce, et il est visionnaire pour ça, les violences faites aux femmes. En 1928, c'était courageux. Il y a d'autres exemples, mais il avait cette capacité, ce courage à dénoncer des scandales, quitte à provoquer d'autres scandales, du candidaton. Et le roman, justement, permettait, là encore, de réenchanter, d'expliquer, de décrypter le réel et de le dénoncer pour justement permettre d'avancer. Et donc on a tous en tête ce film avec Michel Piccoli aussi, oui. Qui fait un très très bon personnage ambigu, oui. De Henri, je crois, oui. Qui est justement cette espèce de démon un petit peu de Séverine. Oui, absolument, tout à fait. Qui est le personnage sadifiant, donc très très bon acteur aussi. Donc voilà. Mais Buñuel, lui, n'a pas retenu ce côté violence faite aux femmes. Pour lui, donc l'actrice, enfin donc le rôle de Séverine, c'est une femme qui se prostitue parce qu'elle est bourgeoise. C'était déjà le charme discret de la bourgeoisie, dénoncer la bourgeoisie. On est après mai 68, etc. Et c'est pas du tout ce qu'a voulu dire Kessel. En fait, Kessel s'est trouvé un petit peu trahi aussi par cela. Quoi. Le livre est presque psychanalytique, en fait. C'est quelque chose qui est souvent oublié chez Kessel, dont on a l'impression qu'il a un rapport direct au réel. Mais en fait, ce livre-là, c'est vraiment un livre qui rentre dans la psyché oui. du personnage de Séverine, qui oui. essaye presque de l'expliquer d'une certaine oui, manière. Absolument. Et c'est pas... En même temps, une rédemption, c'est pas se flageller que d'aller au bordel. En fait, qu'est-ce qu'elle fait, Séverine? Elle essaye de retrouver l'amour. C'est peut-être un peu difficile à expliquer en 20 secondes. Il faut lire le livre qui fait 300 pages. Mais elle ne s'afflige pas de tous les maux. C'est pas une vision sulpicienne ou doloriste. C'est pas un rachat tout à fait. C'est un peu plus que ça. C'est essayer de retrouver l'amour. Ça passe par là. C'est compliqué, mais il y a 300 pages pour l'expliquer. Mais en tout cas, chapeau, parce que c'est de vrais romans. Et là encore, ça réenchante le réel. Ben, merci beaucoup, Olivier Weber, de nous avoir donné envie de continuer de lire Joseph Kessel. On peut lire aussi de vous Le Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel. C'est aux éditions Plon, ainsi que Kessel, Le Nomade éternel, aux éditions Arto Poche. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et aujourd'hui Valentin Bobinet. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir de consacrer une série de 4 émissions à 4 architectes et designers, Aileen Gray, Zaha Hadid, André Putman et Ray Eames. Dans un instant, les sciences.